Chérie, est-ce que tu prends ton appareil photo ? Ah, tu fais les bagages ? Oui, bien sûr, nous prenons toujours beaucoup de photos. Regarde, je mets le guide d'Espagne dans mon sac à main avec le plan de Madrid. Est-ce qu'on a une carte du Portugal ? Oui, regarde, elle est là. Qu'est-ce que je prends ? Mon sac de voyage rouge ou la valise noire ? C'est peut-être mieux de prendre la grande valise noire, non ? Oui, tu as raison. Oh, tiens, je ne trouve pas les billets. Mon chéri, les billets sont là, dans mon sac à main marron. Quand est-ce qu'on part exactement ? Mon chéri, on part jeudi à 8h15. Oh, excuse-moi, je suis vraiment fatigué. Oui, je vois.